Livre cinquième. Existence de Dieu, prouvée par les merveilles de la nature. Chapitre premier. Objet de ce livre. Un des principaux dogmes chrétiens nous reste encore à examiner. L'état des peines et des récompenses dans l'autre vie. Mais on ne peut traiter cet important sujet sans parler d'abord des deux colonnes qui soutiennent l'édifice de toutes les religions. L'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme. Nous sommes, d'ailleurs, appelés à cette étude par le développement naturel de notre matière, puisque ce n'est qu'après avoir suivi la foi ici-bas qu'on peut l'accompagner à ses tabernacles où elle s'envole en quittant la terre. Toujours fidèles à notre plan, nous écarterons des preuves de l'existence de Dieu et de l'immortalité de l'âme les idées abstraites, pour n'employer que les raisons poétiques et les raisons de sentiment, c'est-à-dire les merveilles de la nature et les évidences morales. Platon et Cicéron chez les anciens, Clarke et Leibniz chez les modernes, ont prouvé métaphysiquement et presque géométriquement l'existence du souverain être. Les plus grands génies dans tous les siècles ont admis ce dogme consolateur, que s'il est rejeté par quelques sophistes, Dieu peut bien exister sans leur suffrage. La mort seule, à quoi les athées veulent tout réduire, a besoin qu'on écrive en faveur de ses droits, car elle a peu de réalité pour l'homme. Laissons-lui donc ces déplorables partisans qui, d'ailleurs, ne s'entendent pas même entre eux. Car si les hommes qui croient à la Providence s'accordent sur les chefs principaux de leur doctrine, ceux au contraire qui nient le Créateur ne cessent de se disputer sur les bases de leur néant. Ils ont devant eux un abîme. Pour le combler, il leur manque la pierre du fond, mais ils ne savent où la prendre. De plus, il y a dans l'erreur un certain vice de nature qui fait que, quand cette erreur n'est pas la nôtre, elle nous choque et nous révolte à l'instant. De là, les querelles interminables des athées. Chapitre 2. Spectacle général de l'univers. Il est un dieu. Les herbes de la vallée et les cèdres de la montagne le bénissent. L'insecte bourdonne ses louanges. L'éléphant le salue au lever du jour. L'oiseau le chante dans le feuillage. La foudre fait éclater sa puissance, et l'océan déclare son immensité. L'homme seul a dit « Il n'y a point de Dieu ». Il n'a donc jamais, celui-là, dans ses infortunes, levé les yeux vers le ciel, ou, dans son bonheur, abaissé ses regards vers la terre. La nature est-elle si loin de lui qu'il ne l'ait pu contempler, ou la croit-il le simple résultat du hasard? Mais quel hasard a pu contraindre une matière désordonnée et rebelle à s'arranger dans un ordre si parfait? On pourrait dire que l'homme est la pensée manifestée de Dieu, et que l'univers est son imagination rendue sensible. Ceux qui ont admis la beauté de la nature comme preuve d'une intelligence supérieure auraient dû faire remarquer une chose qui agrandit prodigieusement la sphère des merveilles. C'est que le mouvement et le repos, les ténèbres et la lumière, les saisons, la marche des astres, qui varient les décorations du monde, ne sont pourtant successifs qu'en apparence et sont permanents en réalité. La scène qui s'efface pour nous se colore pour un autre peuple. Ce n'est pas le spectacle, c'est le spectateur qui change. Ainsi, Dieu a su réunir dans son ouvrage la durée absolue et la durée progressive. La première est placée dans le temps, la seconde dans l'étendue. Par celle-là, les grâces de l'univers sont une, infinie, toujours les mêmes. Par celle-ci, elles sont multiples, finies et renouvelées. Sans l'une, il n'y eut point eu de grandeur dans la création. Sans l'autre, il y eut eu monotonie. Ici, le temps se montre à nous sous un rapport nouveau. La moindre de ces fractions devient un tout complet, qui comprend tout, et dans lequel toute chose se modifie, depuis la mort d'un insecte jusqu'à la naissance d'un monde. Chaque minute est en soi une petite éternité. Réunissez donc en un même moment par la pensée les plus beaux accidents de la nature. supposez que vous voyez à la fois toutes les heures du jour et toutes les saisons, un matin de printemps et un matin d'automne, une nuit semée d'étoiles et une nuit couverte de nuages, des prairies émaillées de fleurs, des forêts dépouillées par les frimas, des champs dorés par les moissons. Vous aurez alors une idée juste du spectacle de l'univers. Tandis que vous admirez ce soleil qui se plonge sous les voûtes de l'Occident, un autre observateur le regarde sortir des régions de l'aurore. Par quelle inconcevable magie ce vieil astre, qui s'endort fatigué et brûlant dans la poudre du soir, est-il, en ce moment même, ce jeune astre qui s'éveille, humide de rosée, dans les voiles blanchissantes de l'aube? À chaque moment de la journée, le soleil se lève, brille à son zénith et se couche sur le monde. Et plutôt, nos sens nous abusent. Il n'y a ni Orient, ni Midi, ni Occident vrai. Tout se réduit à un point fixe, d'où le flambeau du jour fait éclater à la fois trois lumières en une seule substance. Cette triple splendeur est peut-être ce que la nature a de plus beau, car en nous donnant l'idée de la perpétuelle magnificence et de la toute-puissance de Dieu, elle nous montre aussi une image éclatante de sa glorieuse Trinité. Conçoit-on bien ce que serait une scène de la nature si elle était abandonnée au seul mouvement de la matière? Les nuages, obéissant aux lois de l'apesanteur, tomberaient perpendiculairement sur la terre, ou monteraient en pyramide dans les airs. L'instant d'après, l'atmosphère serait trop épaisse ou trop raréfiée pour les organes de la respiration. La lune, trop près ou trop loin de nous, tour à tour serait invisible, tour à tour se montrerait sanglante, couverte de taches énormes, ou remplissant seule de son orbe démesuré le dôme céleste. Saisie comme d'une étrange folie, elle marcherait d'éclipse en éclipse, où, se roulant d'un flanc sur l'autre, elle découvrirait enfin cette autre face que la terre ne connaît pas. Les étoiles sembleraient frappées du même vertige. Ce ne serait plus qu'une suite de conjonctions effrayantes. Tout à coup, un signe d'été serait atteint par un signe d'hiver. Le bouvier conduirait les Pléiades, et le lion rugirait dans le Verseau. Là, des astres passeraient avec la rapidité de l'éclair. Ici, ils pendraient, immobiles. Quelquefois, se pressant en groupe, ils formeraient une nouvelle voie lactée, puis, disparaissant tous ensemble, et déchirant le rideau des mondes, selon l'expression de Tertullien, ils laisseraient apercevoir les abîmes de l'éternité. Mais de pareils spectacles n'épouvanteront point les hommes avant le jour où Dieu, lâchant les rênes de l'univers, n'aura besoin pour le détruire que de l'abandonner. Chapitre 3. Organisation des animaux et des plantes. Descendons de ces notions générales à des idées particulières. Voyons si nous pouvons découvrir dans les parties de l'ouvrage cette même sagesse si bien exprimée dans le tout. Nous nous servirons d'abord du témoignage d'une classe d'hommes que les sciences et l'humanité réclament également. Nous voulons parler des médecins. Le docteur Nieuwenhuis, dans son traité de l'existence de Dieu, s'est attaché à démontrer la réalité des causes finales. Sans le suivre dans toutes ses observations, nous nous contenterons d'en rapporter quelques-unes. En parlant des quatre éléments qu'il considère dans leurs harmonies avec l'homme et la création en général, il fait voir, par rapport à l'air, comment nos corps sont miraculeusement conservés sous une colonne atmosphérique égale dans sa pression à un poids de 20 000 livres. Il prouve qu'une seule qualité changée, soit en raréfaction, soit en densité, dans l'élément qu'on respire, suffirait pour détruire les êtres vivants. C'est l'air qui fait monter les fumées, c'est l'air qui retient les liquides dans les vaisseaux. Par ses mouvements, il épure les cieux et porte au continent les nuages de la mer. Nieuwenhuis démontre ensuite la nécessité de l'eau par une foule d'expériences. Qui n'admirait le prodige de cet élément en ascension contre les lois de l'apesanteur, dans un élément plus léger que lui, afin de nous donner les pluies et les rosées? La disposition des montagnes pour faire circuler les fleuves, la topographie de ces montagnes dans les îles et sur les continents, les ouvertures des golfes, des baies, des méditerranées, les innombrables utilités des mers, rien n'échappe à la sagacité de ce bon et savant homme. C'est de la même manière qu'il découvre l'excellence de la Terre comme élément et ses belles lois comme planète. Il décrit les avantages du feu et le secours qu'en a su tirer l'industrie humaine. Quand il passe aux animaux, il observe que ceux que nous appelons domestiques naissent précisément avec le degré d'instinct nécessaire pour s'apprivoiser, tandis que les animaux inutiles à l'homme retiennent toujours leur naturel sauvage. Est-ce donc le hasard qui inspire aux bêtes douces et utiles la résolution de vivre en société au milieu de nos champs, et aux bêtes malfaisantes celles d'errer solitaires dans les lieux infréquentés? Pourquoi ne voit-on pas des troupeaux de tigres conduits au son d'une musette par un pasteur? Et pourquoi les lions ne jouent-ils pas dans nos parcs parmi le thym et la rosée, comme ces légers animaux chantés par Jean de La Fontaine? Ces animaux féroces n'ont jamais pu servir qu'à traîner le char de quelque triomphateur, aussi cruel qu'eux, ou à dévorer des chrétiens dans un amphithéâtre. Les tigres ne se civilisent pas à l'école des hommes, mais les hommes se font quelquefois sauvages à l'école des tigres. Les oiseaux ne présentent pas à notre naturaliste un sujet d'observation moins intéressant. Leurs ailes, convexes en dessus et creusées en dessous, sont des rames parfaitement taillées pour l'élément qu'elles doivent fendre. Le roitelet, qui se plaît dans ses haies de ronces et d'arbousiers, qui sont pour lui de grandes solitudes, et pourvu d'une double paupière, afin de préserver ses yeux de tout accident. Mais, admirable fin de la nature, cette paupière est transparente, et le chantre des chaumières peut abaisser ce voile diaphane sans être privé de la vue. La Providence n'a pas voulu qu'il s'égarât en portant une goutte d'eau ou le grain de mil à son nid, et qu'il y eût, sous le buisson, une petite famille qui se plaignît d'elle. Et quels ingénieux ressorts font mouvoir les pieds de l'oiseau ! Ce n'est point par un jeu de muscles que détermine sa volonté qu'il se tient ferme sur la branche. Son pied est construit de sorte que lorsqu'il vient à être pressé dans le centre ou le talon, les doigts se referment naturellement sur le corps qui le presse. Il résulte de ce mécanisme que les serres de l'oiseau se collent plus ou moins à l'objet sur lequel il repose, en raison des mouvements plus ou moins rapides de cet objet. Car dans le balancement du rameau, ou c'est le rameau qui repousse le pied, ou c'est le pied qui repousse le rameau, ce qui dans les deux cas oblige les doigts du volatile à se contracter plus fortement. Ainsi, quand nous voyons à l'entrée de la nuit, pendant l'hiver, des corbeaux perchés sur la cime dépouillée de quelques chênes, nous supposons que, toujours veillants, attentifs, ils ne se maintiennent qu'avec des fatigues inouïes au milieu des tourbillons et des nuages. Et cependant, insouciant du péril et appelant la tempête, tous les vents leur apportent le sommeil. L'aquilon les attache lui-même à la branche d'où nous croyons qu'il va les précipiter. Et comme de vieux nochers de qui la couche mobile est suspendue aux mâts agités d'un vaisseau, plus ils sont bercés par les orages, plus ils dorment profondément. Quant à l'organisation des poissons, leur seule existence dans l'élément de l'eau, le changement relatif de leur pesanteur, changement par lequel ils flottent dans une eau plus légère comme dans une eau plus pesante, et descendent de la surface de l'abîme au plus profond de ses gouffres, sont des miracles perpétuels. Vraie machine hydrostatique, le poisson fait voir mille phénomènes au moyen d'une simple vessie qu'il vide ou remplit d'air à volonté. Les prodiges de la floraison dans les plantes, l'usage des feuilles et des racines, sont examinés curieusement par Nieuwenhuis. Il fait cette belle observation que les semences des plantes sont tellement disposées par leurs figures et leurs poids qu'elles tombent toujours sur le sol dans la position où elles doivent germer. Or, si tout était le produit du hasard, les causes finales ne seraient-elles pas quelquefois altérées? Pourquoi n'y aurait-il pas des poissons qui manqueraient de la vessie qui les fait flotter? Et pourquoi l'aiglon, qui n'a pas encore besoin d'armes, ne briserait-il pas la coquille de son berceau avec le bec d'une colombe? Jamais une méprise, jamais un accident de cette espèce dans l'aveugle nature. De quelque manière que vous jetiez les dés, ils amèneront toujours les mêmes points. Voilà une étrange fortune. Nous soupçonnons qu'avant de tirer les mondes de l'urne de l'éternité, elle a secrètement arrangé les sorts. Cependant, il y a des monstres dans la nature, et ces monstres ne sont que des êtres privés de quelques-unes de leurs causes finales. Il est digne de remarque que ces êtres nous font horreur, tant l'instinct de Dieu est fort chez les hommes, tant ils sont effrayés aussitôt qu'ils n'aperçoivent pas la marque de l'intelligence suprême. On a voulu faire naître de ces désordres une objection contre la Providence. Nous les regardons, au contraire, comme une preuve manifeste de cette même Providence. Il nous semble que Dieu a permis les productions de la matière pour nous apprendre ce que c'est que la création sans lui. C'est l'ombre qui fait ressortir la lumière. C'est un échantillon de ces lois du hasard qui, selon les athées, doivent avoir enfanté l'univers.